V'là du rap sans bling bling. V'là du rap sans bling bling. V'là du rap sans bling bling. Le cadeau au mic. Le cadeau au mic. Quand je glissais pour inconscience. Avec ta laille au platine, pas pour foutre la merde comme au Tibet. C'est trace sur un plateau, instru deuxième, faut pas que tu t'y perds. À l'aube de 2009, beaucoup trop se brûlent les ailes comme Ika. Un son comme 2000 boeufs qui te chargeaient, ça fait mal comme Smika. En 2008, ça pue la merde et ça, mec, faut bien le dire. Pourtant, j'habite près de la mer et je suis malheureux, c'est ça le pire. Ma tristesse, un incendie et autour de moi, pas de sapeur. Alors, je vais ce qu'il est, on dit, je protège mon rap comme toi, ta sœur. Ici, y'a trop d'acteurs, trop de sourires faussés, nique les faussaires. Qui jouent avec les émotions, sont gentils sous leurs faux airs. De cadeaux, mon nom, moi, je défonce comme un panzer. J'suis pas un gangster, mais les faux, je te les fais taire. Leur abonnement est cramé, mec, ton dièse est forfaitaire. Perso, je compose mes gammes et je peux pas me forcer à te plaire. Réponds pas à la prof, laisse ça à tous, ceux sans conscience. On est en approche à sa conscience, pas d'inconstance. Et deuxième à l'approche, j'suis désolé de la prendre. Mais au lieu de taper ta femme, joue la fun et va te promener. C'est mon deuxième couplet, v'lin, deuxième coup près. Quand je voulais faire du rap, j'hésitais, qui m'écouterait. Originaire de l'Est, j'fonce des comme la vodka de Pologne. Au micro, j'lâche pas de l'Est, plus de degrés que l'autre colonne. Je sais que the world is mine. Puis Tony me l'a dit. Depuis je travaille mes punchlines et ça en devient une maladie. Dans mes textes, pas de balivernes. Sinon je passerai pas l'hiver. Comme un clochard sans polaire. Rime noire comme un polar. En vrai tu m'exaspères. Tu pleures, t'as fait ton canard. Pendant ce temps, ton ex va se faire ringler par un connard. Ça c'est mon petit coup de pub. Pour les petites, les grosses putes. Ceux qui carottent leurs potes et prétendent être au top. La confiance en voie d'extinction. Les chocris de Georges Clooney. Des 20 ans à cause d'exactions. Qui font que j'ai la gorge nouée. Plus rien nous émerveille. Alors on redoute l'instant du réveil. Tu peux demander à René si seul l'arrêt de donne des ailes, t'attends que tout se passe, autant jeter une bouteille à la mer. On avance ta sauce, tracez-toi, va falloir t'alarmer. C'est du bon que je t'amène, comme la peu que l'ordre amène. Donc je kick ça même, dans mes textes, pas de nique sa mère. On vient perturber le peuple, tout comme une grève pas annoncée. Si t'écoutes du vrai rap, c'est notre nom que tu vas prononcer. Avec ta laille au platine, pas pour foutre la merde comme au Tibet. C'est trace sur un plateau, instru deuxième, faut pas que tu t'y perdes.